La psychothérapie et puis tout ce qui est après le deuil, donc vraiment un vrai suivi. Vraiment, je la remercie vraiment du fond du cœur. Je continue toujours à lui parler avec elle. Bien sûr. Elle m'a vraiment aidée, voilà, pour communiquer avec mon bébé à travers le toucher. Ouais, tout à fait, à travers le toucher du ventre. Et c'est vrai que c'est une relation que j'ai eue avec lui que je n'ai pas forcément eue avec ma fille, totalement différente. Et ouais, ça a changé. Une ça partie du cours de ta vie, on va dire aussi. C'est ça, tout à fait. Donc les réponses arrivent. Voilà, la réponse arrive. Et là, this is the question. Voilà, c'est ça. Et encore, sachant que j'ai fait, avant d'avoir les résultats, j'ai fait mon échographie du deuxième trimestre. D'accord, ah oui. Donc j'étais déjà à plus de 5 mois. Ah ouais, et une limite ou pas? Alors, il faut savoir que pour une IMG, il n'y a pas de date limite d'interruption. D'accord. Tu peux aller le faire jusqu'à la fin de ta grossesse. Tu peux aller à terme. Mmh. Voilà. C'est légal tout ça ? Tout à fait, c'est légal. D'accord. Tout à fait, c'est légal. Une fois que tu as la réponse, en fait... Je pose la question parce qu'en France, il y a tellement de trucs où il faut faire attention. Tout à fait, c'est ça. Non, c'est une des choses, voilà, comme c'est reconnu, c'est une maladie génétique, hein, donc... Ça fait comme d'autres maladies qui peuvent où on peut interrompre la grossesse à tout moment. On est là fin avril à peu près. On a la consultation avec le médecin pour avoir les résultats de l'amniosynthèse. Tout se bouscule, ce qui nous donne rendez-vous avec l'anesthésiste. Qui s'est fait le lendemain, je crois, de ce rendez-vous. Et après, il fallait choisir la date. C'est-à-dire qu'il fallait choisir la date de la mort de mon fils. C'est un peu brusque. C'est brutal. Ils nous mettent un peu la pression parce que ils ont des plannings chargés. On a le droit de choisir quand est-ce qu'on veut le faire, mais ils nous mettent la pression parce qu'ils ont d'autres interventions à côté. C'est limite, quoi. Et je trouve ça un peu limite. Donc je leur ai dit, écoutez, moi je prends mon temps parce que c'est quand même une décision grave, importante, et je ne veux pas. Je veux faire tout ce que j'ai à faire pour lui. Je veux qu'il parte dans des bonnes circonstances, on va dire. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. C'est pas facile du tout. J'imagine. On est toujours anéanti. Parce que tu dois y tous les jours. Tous les jours j'y pense. Avant la date butoir, par exemple, entre guillemets, ça s'appelle ça butoir, mais c'est une image. Il y a encore d'autres étapes avant tout ça. Tu dois tous les jours, tu te remets. Est-ce que des fois tous les jours je me remets en question, même à l'heure d'aujourd'hui. T'as eu des moments où tu voulais revenir is back, tout revenir en arrière. Tout à fait. Jusqu'à la dernière seconde. Moi j'avais envie. Mon mari non, parce que c'était sûr. Mais comme je dis, chez nous on est la maman, on porte l'enfant. C'est pas pareil. On le sent bouger, il est. On se dit, faut le faire, c'est un acte d'amour, mais c'est vrai que c'est difficile. Mais après, il y a d'autres étapes encore, faut qu'on rencontre la sage-femme aussi, pour parler de nos envies concernant notre fils, refaire des échographies, des consultations de suivi avant la date butoir. Faut qu'ils aient une rencontre pluridisciplinaire avec l'équipe pour donner l'aval aussi. Ça, c'est assez rapide, c'est une fois par semaine qu'ils le font. Donc ça, c'était rapide. Mais c'est vrai que, et là on est autour du 10 mai, la date approche. Quelques jours. Quelques jours, ouais. Là on arrive à quelques jours. On compte les jours. Ouais. Et là c'est de plus en plus stressant. C'est de plus en plus stressant. J'imagine. Ouais. De plus en plus douloureux. Tu m'étonnes. Mais en même temps, l'envie de le voir. Tu voulais le voir? Oui, bien sûr. Mais c'est peut-être une question bête, hein, mais. Non. Peut-être qu'il y aurait... Moi, je l'ai vu, mon mari ne l'a pas vu. Ton mari. Il n'a peut-être pas envie, parce que, voilà, voir une image, voir quelque chose, après, ça peut rester, ça peut marquer, peut-être, sur la vie. Ouais. C'est vrai que, et puis, il faut savoir qu'avant l'interruption, il y a une prise de médicaments, une prise de comprimés qui est faite 2 jours avant. En fait, c'est pour la maturation du col, préparer l'utérus aux contractions. Et après, une fois que t'as pris ces comprimés, c'est impossible de changer d'avis. Tu peux plus revenir en arrière. Donc là, à partir du moment où tu as pris tout ça, tu pourras plus revenir. Tu peux plus revenir en arrière. Tu sais que tu vas accoucher dans les deux, trois jours qui suivent. Le jour où tu prends les premiers comprimés dans ta tête, il se passe quoi? Tu fais quoi? Je suis complètement en pleurs. Tu dis c'est fini. Je me dis, allez, je peux plus revenir en arrière. Alors c'est vrai que j'ai demandé du coup à voir la psychologue juste avant parce que j'avais plus envie de les prendre. Normal. Je me dis, c'est pas possible, je peux pas faire ça à mon bébé, je peux pas. J'ai voulu être égoïste, je me dis non, je vais le garder, je peux pas. Peut-être pas égoïste. peut-être le côté humain qui est là aussi. Ouais. Mmh. C'est vrai que ça a été un des moments les plus durs avant l'interruption. Et bon, on les avale, on s'effondre. On se dit, carrément, ouais. Je peux plus revenir en arrière. Ça a été une étape difficile à ce moment-là. Ouais. Je comprends, je conçois aussi. Mmh. Émouvant ce matin. Mmh. Comme tu le dis, tu m'as envoyé un message. La radio, ça va être un peu ma thérapie de pouvoir me lâcher, d'exprimer tout ce que j'ai en moi, parce que tu l'as jamais fait. Non. C'est la première fois en direct. Tout à fait. T'es ému, je le vois. Ouais. C'est normal. Et heureusement d'ailleurs que t'es ému. Donc ouais. la suite, les médicaments sont pris. Les médicaments sont pris. On retourne chez soi. Ouais. Et là. Et là, ils nous disent. Ton mari, il est là quand même. Mon mari, à un moment décomprimé, ne pouvait pas être présent. Malheureusement. Mais il me soutenait, voilà. Je sais qu'il me soutenait, qu'il était là pour moi. Sinon, je l'engueule, hein. Il était là pour moi, voilà. Il suit chaque étape. Mmh. Il était là aux échographies. Et deux jours après cette prise de comprimé, c'est l'entrée à l'hôpital. Ça y est. 8h45. Mmh. L'heure est restée gravée, hein. Ouais, l'entrée, tout reste gravé. Et là, ce jour-là, j'ai les images toujours qui viennent. Ouais. Ouais. Et là, j'étais à 7 mois et 3 jours de grossesse. Ouais. Donc bientôt l'arrivée. Donc une avancée, une très belle avancée dans la grossesse. Hein. Donc ça a été compliqué. Vers 13h, on te pose la péridurale ce jour-là pour que le médecin pratique le geste d'arrêt de vie avant la naissance. Là, c'est le médecin qui fait ça. C'est le médecin. Donc le geste d'arrêt de vie avant la naissance, c'est une injection médicamenteuse en fait dans le cordon ombilical pour arrêter son cœur sous échographie. Ça a été le plus dur, le plus difficile parce que ça s'est pas passé comme prévu. C'est-à-dire que cette pose de péridurale n'a pas fonctionné. Et conséquence, il y a eu. Conséquence, c'est que j'ai senti mon fils en moi se débattre. J'ai senti toutes ces piqûres. J'avais beau dire au personnel, je sens tout ce qui se passe. J'ai la péridurale qui ne fonctionne pas. Ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Comment ça s'est passé alors ? Eh bien, ils l'ont fait. Quand même. Voilà. Le médecin l'a fait. A tout fait. J'ai tout senti. J'ai tout senti, le débattement. Donc, il m'a piqué plusieurs fois. Parce qu'il n'arrivait pas, parce que mon fils bougeait énormément. Ouais. Il faut que ça soit un endroit bien précis, comme je disais, dans le cordon ombilical, donc sous échographie. Mais il bougeait tellement que c'était une horreur, une torture. J'ai pleuré toutes les larmes, j'ai crié le plus fort possible, parce qu'en leur faisant comprendre, non, ça ne va pas, ils ne m'ont pas écouté. C'est ce que je leur reproche. Parce qu'en principe, ils disent, vous n'en tirez rien, vous inquiétez pas. Ça va aller. Ça va aller. Et non, en fait. Mais non, ça a été le. Est-ce qu'il y avait du monde avec. Enfin, du monde, on peut pas dire. Il y avait mon mari avec moi. Qui était à tes déjà, côtés. Ouais. Qui, du coup, savait que je disais la vérité. Il était là à me soutenir, à pleurer aussi, ce que je ne vois jamais. Mon mari pleurait. Et là, tu l'as vu pour la première fois. J'ai vu, pour la deuxième fois pleurer. Il y avait les anesthésistes, le médecin, la sage-femme. Un soignant, mon mari et moi. Personne ne m'a écouté à part mon mari qui me soutenait. Il me fait aller. Il m'a serré les mains. Mais ils m'ont pas écouté. Et le geste a été fait. Et comment on se sort de un peu de cet enfer, je dirais. C'est parce un que, enfer. Comme tu me l'as dit. Tout à fait. C'était. Ouais. Comment tu sors de là-dedans après c'est complètement. Je leur en veux. Tu leur en veux. Je leur en veux. Je suis vidé. Je suis. En colère. Aujourd'hui encore, bien encore, sûr, c'est normal. Tout à fait, parce que je me dis, ils ne m'ont pas écouté. Et après ça, c'est vrai que ça a été compliqué, parce que du coup, je leur ai dit, il y a un souci. Il y a un souci une fois qu'ils te mettent un antidépresseur, parce que t'es complètement. Ouais, t'es déboussolé là, t'es ailleurs. Je suis complètement ailleurs, et puis je suis complètement en colère, donc je suis très vulgaire. Je suis d'une méchanceté inimaginable. Et après, ils se rendent compte, il n'y avait pas la péridurale. Elle était sortie. Donc c'est une erreur là à la base. Je fais mes et les excuses là-dedans. Rien. Pas, rien. Même pas. Non, on est désolé. T'as pas revu le médecin après Non, même pas. Ils sont venus du coup me reposer une péridurale pour après faire les déclenchements. Donc en plus, ils avaient commencé les déclenchements avant, donc sans péridurale. Je fais non. C'est pour moi, ça a été de la maltraitance. Pour moi, ça a été de la maltraitance ce moment-là. Ça a été une étape très difficile. Pas facile, du tout même. Du tout. Comment la suite Comment on fait? Et là, on attend, parce qu'il faut attendre que le travail se fasse, que le col s'ouvre. Mm-hmm. Je me suis retrouvée en plus avec de la fièvre. J'ai fait des convulsions. Donc, pas forcément très adéquate pour un accouchement paisible. Tout devait bien se passer. Tout devait bien se passer, on m'avait dit. Et en fin de compte, j'enchaîne les galères. Donc voilà, comme je disais, fièvre, convulsion, tremblement. Sentir le bébé qui veut sortir alors que le col n'est pas ouvert. Comment gérer la douleur? Ah oui, oui. Parce qu'il y a une douleur physique aussi, parce que tant que la deuxième péridurale fasse effet, c'était une. Mais les heures passent et on fait avec. Ils reviennent de temps en temps, voir si ça va. Si ça va, oui, quand même. Sachant qu'il faut préciser qu'on est dans une salle d'accouchement, donc à côté, il y a des naissances. Il y a d'autres. Ouais, ouais. Donc tu entends les pleurs de bébé. Ah ouais, là, c'est pas facile. Il n'y a pas de service à part. Alors, ils essaient de te mettre une chambre le plus loin, mais toutes les chambres étaient prises, il y avait plein d'accouchements. Ah ouais, ouais, bon. Donc tu entends tout, puis tu peux rien faire. Et l'après? Alors l'après, ça et se passe comment? Et à un moment, allez, à deux. Je reconnais t'as l'heure heures, exacte. Hein, j'ai tout. Des heures, j'ai non, tout en raison. Tête. C'est normal. On est le 20 mai. Ouais. À 2h38, je fais à mon mari sort, c'est le moment. Parce qu'il ne voulait pas voir le bébé à la naissance. Je fais préviens-les, il arrive. Je fais c'est le moment. Je le sais, c'est là, c'est maintenant. À 2h42, mon fils Lucas est né sans un bruit, sans crier, sans pleurer. Deux minutes. Allez, la minute d'avant qui sortent, j'ai pleuré le plus possible. Et une fois qu'il est né, je n'ai pas pleuré. Mmh. J'étais heureuse, en fait, de le voir. J'ai pu faire tout ce que j'avais envie. J'ai pu faire le pot à pot. Ouais. Parce que quand il sort, il est chaud, même s'il est décédé. Même si son âme est pas... Il est chaud. Donc j'ai voulu faire le pot à pot. J'ai pu... Comment dire, faire tout ce que j'avais envie en fait avec ouais. lui. Là-dessus, à ce moment-là, les soignants ils étaient parfaits. Je peux pas. Ils étaient avec toi. Ils étaient avec heureusement, moi. Heureusement d'ailleurs. Parce que sachant que j'avais pas mon mari. Hein, ouais, oui. Normal. Ils ont été aux soins pour lui. Pour toi. Pour moi. Ils m'ont tenu la main. Ils m'ont fait. Ils me l'ont laissé avec moi pendant au moins une bonne demi-heure. Ils ont pu lui faire les soins. Voilà, le nettoyer, le mesurer, le peser. Donc il faisait 39 cm. Ah, t'es grand, comme ouais. moi. 1,390 kg. Je tirerai un petit peu quand même. Ah. voilà. 1,390 kg, donc un beau bébé. Mm. Ce qui m'a choqué, ce n'est pas sa maladie en premier. C'est qu'il était blond. Ah. il était blond. Et qui est blond chez toi? Mon mari était blond quand il était tout bébé. Heureusement. Donc il était blond, les sourcils blonds. ouais. Les cils blonds, vraiment. Puis un bébé. C'était un beau bébé. Et donc ils l'ont fait, voilà, ils l'ont mis sa tenue. Vous lui avez donné un prénom? Tout à fait. Mon mari a choisi le prénom Lucas. Lucas, mignon. Et j'ai choisi l'orthographe. Voilà, au lieu d'un C, j'ai mis un K pour changer un peu. Comme Lucky Luke. Ouais. J'essaie de mettre un petit brin d'humour pour. Ouais. Et c'est vrai que. Voilà, ils ont pu faire ses empreintes, parce qu'il avait des cheveux, donc récupérer un peu de cheveux. Tout ce qui est à récupérer, en fait, tout souvenir, parce que je vais pas en avoir non plus beaucoup. Quelques petits tu as gardé, tu les as, les cheveux. Oui, ouais, j'ai tout gardé, son bonnet de naissance. Ah, c'est mimi. j'ai gardé, pour le cordon ombilical, en fait. Mmh. Donc, on lui a choisi sa tenue, ses petits doudous, des photos, voilà. Des dessins. Ouais. Voilà, on a essayé de faire. Je l'ai gardé pendant, je dirais à ce moment-là, après avoir couché pendant deux bonnes heures, parce que bien sûr, après j'ai eu des complications pour moi. Et après, ils sont obligés de le prendre, malheureusement. Ils te laissent le temps que toi tu en as envie. Ouais. Donc je l'ai gardé au moins pendant deux heures. Et après, au bout de deux heures, tu te dis quoi? T'es comment? Tu te dis bon. Je suis. Faut t'en séparer, malheureusement. Faut que je m'en sépare pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant, parce qu'on a. Faut savoir qu'on a un droit après de le voir. Pas dans les mêmes circonstances, bien sûr, mais on peut le voir après dans la chambre funéraire, en fait, de l'hôpital, pendant une dizaine de jours. Mais ce qui est le plus dur, c'est qu'on a accouché, donc j'ai accouché à 2h42, je suis sortie de l'hôpital, il était 14h, 12 heures après avoir accouché. Oh, alors qu'une femme qui accouche, normalement, sort 2 à 3 jours après. J'ai eu un accouchement. mais on m'a laissé sortir au bout de 2 heures. Ouais, pas facile. J'imagine, je connais pas, mais je me mets en scène un peu le tout ça dans ma tête aussi. Ouais, c'est très compliqué. On va essayer de mettre un peu de bonne humeur aussi. Voilà, j'ai les plus beaux souvenirs parce que ce que j'ai fait avec lui, j'ai fêté la fête des mères avec lui. Ouais, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau ? C'était la fête des mères avec lui. L'après, on va parler de l'après si tu veux bien. Ouais. Aujourd'hui, à 8h43, tu te sens comment ? J'ai pu, grâce, donc comme je l'ai dit, à Parentèle, à la psychologue, à des associations Souvenanges aussi, qui est pour faire des retouches de photos, des illustrations personnalisées parmi Noé, des signes de la dans la vie de tous les jours, voilà, une petite plume, des petites choses qui font que il est là. Donc toujours autour de vous. Toujours autour de nous. Ouais. Voilà, un arbre en forme de cœur. Ah ouais, des fois tu t'imagines des fois quand tu vois quelque chose une forme de la nature. Je me dis bah c'est lui. Je me dis tiens, c'est lui qui me fait un message. C'est Lucas, salut. C'est Lucas. Voilà. Bonjour maman. Je le remercie. Je dis ah merci pour ça. Ouais. C'est bien de le prendre comme ça. Voilà, je. Magnifique. C'est vrai que ça a été voilà mon fameux radis. Celui-là il est. Ah c'est quoi ? Voilà parce que c'est une petite anecdote. Mange des radis. Pendant toute ma grossesse. T'as bouffé des radis ? J'ai bouffé des radis. J'adore ça. Bon. J'adore ça. Et pourquoi là autant ? Et ben là, un radis en forme de cœur. Ah ouais. Puis l'intérieur aussi en forme de cœur. Ça a été. Je l'ai pris en photo ce fameux radis parce que franchement il m'a. Et là j'en ai pleuré. On pleure, on le remercie, on se dit partout, voilà les nuages en forme de cœur, plein de petites choses qui fait. Il m'a aidé aussi dans d'autres choses. T'es venu à la radio justement, bon, comme tu le dis, faire un peu cette thérapie et, pour aider peut-être les personnes qui j'espère pour elles ne vivront pas ça, mais si ça devait arriver malheureusement, leur dire plein de choses. Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui si mal c'est une étape, si malheureusement ça doit arriver C'est une étape tragique, douloureuse. Ouais. On s'en remet pas. On vit avec. On survit aussi. Et la petite sœur ça a été très compliqué. Compliqué aussi. Ça a été très compliqué parce qu'elle comprenait pas pourquoi. Donc elle lui a fait des tonnes de dessins tous les jours, des petits bracelets qu'elle lui a donné, des peluches. Elle lui a mis un petit super-héros pour lui dire que mon fils, t'es un héros. Mon frère, t'es un petit héros. C'est son petit héros. Lucas. Ouais. Voilà. Il est beau. Il est magnifique. En tout cas, beau témoignage, 45 minutes de témoignage. L'IMG, cette décision qui a été très dure à prendre. Aujourd'hui, t'es venu faire, comme je le disais il y a quelques minutes, un peu cette thérapie. Ouais. C'est ce que tu voulais. Et puis là, c'est vrai que la radio, pour se lâcher, pour parler, c'est bien. Ouais. Et puis aussi aider les autres, peut-être. Tout à fait. Qui n'ont, j'espère, pas besoin. Qui sachent un peu par mais quoi, si jamais, par quoi passer aussi, hein, parce que ce qui tue, c'est l'attente. C'est très long. C'est très très long. Bon, on avance quand même, Cindy. Tu avances quand même. Oui, il faut avancer. Il faut avancer. Au jour le jour, mais on avance. Voilà, en faisant des petites choses pour lui, pour moi, pour ma famille. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un des plus beaux moments pour moi d'avoir pu raconter son histoire et mon histoire. En tout cas, une belle histoire, émouvante. Ouais. Ça, c'est sûr. Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui sont en train de pleurer là. C'est sûr. Je pense à Nicole. Elle doit pleurer, Nicole. Non, en tout cas, on était heureux de te recevoir ce matin à la radio pour parler de cette thérapie que tu voulais faire. Ouais. Pas que la thérapie, mais aussi parler de malheureusement ce qui s'était passé. Et puis on dédicace cette émission à Lucas alors. Je te remercie. Il écoute là, il écoute, c'est sûr. Tout à fait. Je te remercie beaucoup, Franck. Il est fier de toi. Oui, je pense. J'ai d'autres personnes aussi. Allez, merci beaucoup. Quitter Cindy, un dernier mot. Allez. Eh ben je t'aime mon fils. Bah voilà. Je pense Lucas. Que c'est la plus belle chose qu'on peut dire. Merci Cindy. Merci Francky. Radio Arc-en-Ciel 96.2. Témoignage émouvant. Ouais. Merci à Cindy d'avoir essayé de parler. C'était pas facile pour elle. C'était la première fois. Mais en tout cas, elle a assuré grave. Voilà. On fait un petit clin d'œil à Lucas. Passez une belle journée. 8h47 minutes en direct ce matin.